quand j'ai donné, j'ai pas attendu la monnaie. Dans la vie, faut faire des choix, j'ai charbonné. On me dit que c'est important de pardonner. Peut-être qu'un jour je vais pardonner, mais je vais pardonner. Elle aime, mais moi je fais ma vie, ouais, comme je l'aime. Ça fait des zigzags avec le BM. Ça le met en I, ouais, les KTM. J'ai moins d'amis, j'ai moins de problèmes. À cause des soucis, j'fume trop de pollen. J'suis tout caché dans ma PRPN. Et ma gadi, moi je sais ce qu'elle aime. Elle m'a dit, je te casse la tête. Si tu vois des gadi, elle croit que j'ai fait la fête. J'suis au-dessus toute la nuit, Été, hiver, moi j'fais les mèches. Que des pétards, des aïs, ils pêchent. J'fume du shit, il est tout bêche. Bientôt une autre sortie, faut que j'me dépêche. Quand j'ai donné, j'ai pas attendu la monnaie. Dans la vie, faut faire des choix, j'ai charbonné. On me dit que c'est important de pardonner. Peut-être qu'un jour j'vais pardonner, mais j'vais pardonner. Fais pas inciter. C'est pas cool, en flic tu l'as cité. Tu perds la boule, tu me fais le mec quitter. J'écris ainsi la vie que je mène. Et si je m'en vais loin d'ici, quand même, je m'ennuie. Ah oui, que je m'ennuie, je fais des tours dans l'RS6. Oh maman, si j'aurais su, y'a trop de mauvais ici. Trop de jaloux sur mes codes. Je mets du Armani code. Jamais que tu le passes, je lève en crasse. Trop de jaloux sur mes cotes. Je mets du Armani code. Je dis jamais que tu le passes, je lève en crasse. Quand j'ai donné, j'ai pas attendu la monnaie. Dans la vie, faut faire des choix, j'ai charbonné. On me dit que c'est important de pardonner. Peut-être qu'un jour je vais pardonner, mais je vais pardonner. Peut-être qu'un jour je vais pardonner, mais je vais pardonner. Peut-être qu'un jour je vais pardonner, mais je vais pardonner. Je vais pardonner, mais je vais pardonner. Je vais pardonner, mais je vais pardonner. Je vais pardonner, mais je vais pardonner. Je vais pardonner, mais je vais pardonner. Y'a trop d'embrouilles blondes dans la cité. Que des merboules te fais pas inciter. C'est pas cool, en flic tu l'as cité. Tu perds la boule, tu me fais le mec quitter. Y'a trop d'embrouilles blondes dans la cité. Que des merboules te fais pas inciter. C'est pas cool. Je vais pardonner, mais je vais pardonner. Tu parles la boule, tu me fais le mec quitter. Je vais pardonner, mais je vais pardonner.